Salut tout le monde et bienvenue dans la POC, votre podcast centré sur les activités du Canadien de Montréal. Mais où est-ce qu'on analyse plus souvent qu'autrement les médias qui couvrent le Canadien? C'est comme devenu notre spécialité parce que nous autres, on l'aime Gaston. L'année passée, c'était les Oilers. Cette année, c'est Gaston. On a tout le temps un bouc émissaire. Cette année, c'est Gaston. JB Gagné, votre animateur, est avec moi, Jerry Godbout. Salut, Jerry. Salut, JB. Ça va bien? Ça va, ça va. Oui, si on parle d'hockey. En partant, ça va bien. Ouais, puis check. La mine est déjà ouverte. Je vais tout le temps dans le show. Je devrais attendre, genre. Mais je sais pas, c'est... J'ai soif, fait que je l'ouvre, tu sais. Moi, je bois une Rolling Rock Extra Pale, qui est une bière qui vient tout droit de Saint-Louis au Missouri. Donc, salutations les Blues, vous faites de la bonne bière. Moi, breuvage... On peut-tu dire ça, un breuvage féminin? Un drink de fille? Ouais, une bonne Pale B à la vodka. Ah, c'est correct, ça. Il y a de l'alcool dedans, c'est quand même bon. Là. C'est de la vodka, quand même. Hey, c'est russe, hommage à Radulov. Et voilà. Merci de m'avoir aidé sur celle-là. Yes. Ben non, mais on est là pour s'entraider. Là. Ouais. Nous sommes le lundi 21, je partais vous dire mars, mais c'est novembre 2016. Et actuellement, le Canadien de Montréal est toujours premier dans la Ligue. Avec une fiche assez incroyable de 14 victoires, 3 défaites et 3 défaites en prolongation. Bon pour 30 points. Et fait à noter, Carey Price n'a toujours pas perdu en temps réglementaire. Et donc, les chiffres négatifs, ça vient de Al Montoya. Bon, ça y est. On tu commences le show en bâchant sur Montoya. Ben, écoute, c'est une de mes questions. Là. Est-ce que les joueurs ont encore confiance en la capacité d'Al Montoya de gagner un match? C'est là que je réponds. Ouais, je te pitch là-dessus. Là. Ben, moi, je te dirais que oui, là, la confiance ne doit pas être partie à 100%. Il n'y en a pas comme perdu 10 de suite. Bon, OK, il y en a perdu une 10-0. Mais il fallait que je revienne sur celle-là. Non, je pense pas. Vraiment, c'est sûr qu'à la base, tout goaler passant en arrière de Carey Price fait pas le même effet que Carey Price. Mais non. Question. De dire vraiment que la confiance est perdue, non. Mais comment t'expliques toutes ces défaites-là? Puis particulièrement la défaite contre la Caroline qui fait très très mal. Où est-ce que le club a arrêté de jouer en troisième période pendant un gros 10 minutes? Puis ça suffit pour qu'on ait une défaite. Ouais, ben tu viens de le dire. Le club a arrêté de jouer. C'est pas Montoya qui va en scorer. Attends, à ce moment-là, le Canadien menait 1-0. Ça s'est terminé 3-1. C'est justement un gardien de but de garder le fort quand tu vois que les autres sont plus là. C'est sûr, mais en même temps, je dis, si tout le monde en avant de toi arrête de jouer, ça t'aide pas non plus. Je veux bien beau que t'es le meilleur goaler au monde. Là. Je veux dire, check Carey Price, on a perdu une en prolongation. Là. Puis, c'était pas sa meilleure game. Okay. Il a accordé 4 buts pareil. Ça va prendre combien de défaites pour que t'admettes que Al Montoya est pas nécessairement mieux que Mike Condon? Ben, en fait, je vais répondre tout de suite en disant que. Jamais! Non, ben. si on perd plein, OK, là. Mais moi, j'aurais gardé Boudaille dans le temps. Fait que, en partant, là. Ça vient loin, là, mais en tout cas. Hey, d'ailleurs, qui fait bien avec les Kings cette année. Hein? Ouais. Étrange. Ben, justement. Non, je sais pas. Même Mike Condon, j'aurais peut-être donné une chance. Surtout qu'on l'a perdu pour absolument rien. Ouais. Puis il fait quand même bien à Ottawa présentement. Je sais pas. Là, c'est. Montoya, je pense qu'il y a les fiches de Floride l'année passée qui ont juste aidé à ce qu'on voit peut-être un peu plus gros. Ben, tout le monde était sur une belle balloune en Floride. Pis cette année, d'ailleurs, c'est plus difficile. Là. Jagr a finalement pogné son mur de vieillesse. Là. Son 14e dans la Ligue. 10-8-1. Ah, c'est sûr, mais Jagr commence à refonctionner. Hein. Mais moi, on va dire une affaire. La Floride, là, ça marche moins bien. Là, en ce moment, c'est Jonathan Huberdeau. C'est pour vrai. C'est un gros manque, ça, c'est sûr. Là. C'est la pièce maîtresse. C'est le prochain capitaine, là, ce gars-là, de l'équipe. Là. J'y crois. Ça paraît qu'il est pas là. La chimie qu'il y avait justement avec Jagr, la flamèche qui faisait que ça allait plus loin en fin de saison l'année passée, c'est Huberdeau qui l'apporte. Ben, c'est d'avoir wipé la défensive là-bas à la fin de la saison, c'est une décision très étrange. Dimitri Kulikov rendu à Buffalo. Ouais. Gudbranson, qui l'ont changé contre de la merde. McCann, c'est ça? Ouais, ben, il y a même pas. Il y a une couple de games qui a été LT Scratch. Je sais pas, on dirait qu'il y a une gestion d'effectif de la défensive qui s'est peut-être un peu mal faite. Mais en même temps, regarde, c'est fait. Là. Faut que ça se replace. Ils vont peut-être repopper d'ici la fin de l'année. Hein. J'ai confiance en la Floride. Là. Ouais, mais tu sais, Luongo est rendu à 37 ans. Oui. Tu sais, c'est James Driver le deuxième. Là. Pas sûr. Tu sais, il y a 4,5 millions sur le contrat à Luongo pour encore plusieurs années. Après ça, t'as 3,4 déjà sur James Driver. Tu sais, t'as 9 millions en gardien de but. Là. Ouais, mais. Pis c'est pas de top, là. Mettons que ça serait Price, tu dis, ouais, mais là, c'est le meilleur, là. 9 millions, c'est correct. Quand il est là, il en vaut 9. Mais là, t'en as 9, mais tout le temps split en deux. Puis les deux valent pas l'équivalent de ce montant-là. Ouais, mais James Reimer va peut-être être meilleur. Ben, il était déjà bon, Reimer. Il y avait de la pression à Toronto, ça, c'est sûr que ça doit jouer. Mais, tu sais, il me semble que c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour un poste où est-ce que t'en as tout le temps un des deux sur le banc. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, d'après moi, ils ont juste prévu le coup que c'est probablement lui qui va donner le numéro 1 dans pas long. Luongo va-tu finir son contrat? C'est une question à se poser. C'est pas... Fait qu'en partant, si son contrat finit pas, c'est lui qui prend la place numéro 1. Ouais. Encore là, il a la chance d'avoir un goaler popper de nulle part, prendre la place ou peu importe, là, je veux dire. Puis à ce moment-là, ils vont être pognés pour essayer d'échanger un gars avec un trop gros contrat qui vaut plus son salaire dans la Ligue nationale. Ouais, ben ça, c'est l'histoire qui se répète dans la Ligue. Hein. Ouais, c'est tout le temps ça. Cette semaine, on a vu Alexander Radulov quitter le Canadien de Montréal pour raison de maladie. Et durant son absence de deux matchs, ses deux défaites, il revient au jeu et la victoire est à nouveau là. On voit que ce gars-là a un impact immense sur la première ligne du Canadien de Montréal. Ma question est... Est-ce qu'on doit re-signer Radulov? Et si oui, dans quels paramètres on fait ça? Ben, oui, faut le re-signer, mais pour une fois, je vais être d'accord avec toi, je ne signerai pas à long terme. D'ailleurs, c'est une question que Luc Desormeaux nous a posée aussi, c'était dans mes sujets. Luc, il dit, doit-on faire signer Radulov à long terme ou on le laisse partir à la fin de la saison? Mais c'est sûr qu'on le fait pas, on le laisse pas partir. Je veux dire, comme tu dis, il y a un impact immédiat. Ça paraissait quand il était pas là. Moi, en tout cas, personnellement, j'avais hâte de le revoir. La hargne, le travail, le jeu simple. Tu sais, il va la chercher, la rondelle. Pis c'est ça que j'aime beaucoup. Puis on le voit tout de suite, la chimie avec Galchenyuk. C'est juste, c'est magique, là, pour vrai. Là. Ces deux-là savent tout le temps son où. Moi, ça me fait me questionner encore une fois. Pourquoi ce duo-là n'a pas été mis ensemble dès le début de la saison? Je ne pourrais pas te dire, ça a pris une couple de matchs, mais honnêtement, je veux dire, Terrien n'a aucune raison. Aucune raison de les séparer. Là. Je veux dire, c'est eux autres qui font marcher le Canadien en ce moment. Là. Carrément, parce que c'est pas Patcherly, c'est pas Plekanec, c'est pas Dernay, c'est pas Markov. C'est carrément Galchenyuk, Radulov et, avec surprise, un Paul Byron qui fit très bien avec eux autres. Paul Byron! Mais pour vrai, c'est pas le crime. Il marche avec eux autres, il y a une chimie, puis il est tout le temps en bonne place là avec. Fait c'est pas le meilleur, je le vois pas sur une première ou une deuxième ligne, mais on est obligé d'admettre que ça fonctionne. Donc, tu le laisses là. Oui, ben écoute, moi, l'avantage que je vois à ce moment-là d'avoir un Byron sur une première ligne, c'est que t'es capable d'établir... de mettre en place du talent à d'autres endroits. Puis ça te fait un complément à la première ligne qui coûte même pas 1 million par saison. Fait que ça, c'est bon. Côté finance, là, t'en as pour ton argent. Reste à voir, c'est 1.1, là, j'ai dit même pas 1 million, là, mon arrondi. Là. Reste à voir combien de temps qu'il va pouvoir assumer un tel rôle avant que les autres équipes s'ajustent. Parce que éventuellement, le fait qu'il y a le petit Paul Byron qui arrive rapidement en arrière, les autres équipes vont s'en attendre. Là, ça marche, mais à un moment donné, les autres vont faire dans leur plan de match, « Ouais, il y a tout le temps Byron qui arrive deuxième, il faudrait peut-être le surveiller. » Fait qu'ils vont le faire. Reste à voir au moment où est-ce que l'attention sera portée sur lui. Quand les autres équipes vont faire leur plan de match en conséquence de venir anéantir son avantage qu'il a actuellement avec sa vitesse, comment est-ce que lui va s'ajuster à ça pour demeurer compétitif sur une première ligne? Je suis quand même confiant qu'il va le faire. Puis en même temps, s'ils portent leur attention sur Byron, ça laisse la place pour Radulov ou Galchenyuk. C'est ce qui est intéressant. C'est que tu splits le talent de façon intéressante. Puis ben, ça te donne des options sur les autres trios. Je reviens à l'idée de contrat. T'as dit que t'étais comme moi. Je veux juste... parce qu'on jase sur Facebook. Et moi, j'ai mentionné à plusieurs endroits que moi, Radulov, oui, je le re-signe. Peu importe le montant, mais je le re-signe pour pas plus que 2 ans. Il a une historique de s'asseoir sur ses contrats dans la Ligue nationale pour ce qu'on en sait. Le moment où est-ce qu'il a fait ses gaffes, là où est-ce que ça a chiré, c'est en fin de saison. C'est là où est-ce qu'il y a eu des problématiques. Entre autres, son deuxième retour à Nashville. Oui, il a 7 points en 9 matchs, mais il a Nashville l'ont kické out parce qu'il écoutait pas, il était pas attentif, il manquait des meetings d'équipe. C'est une peste dans l'entourage, genre de gars que oui, il t'amène des points, mais il met plus de maths qu'il fait de bonnes choses. Et puis imagine, là, faut qu'il en fasse là pour qu'à 7 points en un match, on décide de le tasser. Fait que moi, je pense qu'il faut le garder sur une corde raide. Je pense qu'il faut le garder sur un pied d'alerte. Et Radulov, à plus que 2 ans, pourrait, là, c'est conditionnel, là, pourrait s'endormir sur son contrat et ça serait perdant. L'autre facette que je vois, c'est qu'il a 31 ans. Je regarde le top de la Ligue nationale là, pour les pointeurs et actuellement, là, dans le top... Attends un peu, là, je vais ouvrir ça comme du monde, juste pour pas vous dire des niaiseries. Dans le top 15, t'as deux gars qui ont plus que 30 ans. C'est Marian Hossa et Jeff Carter. Jeff Carter, je t'arrête de dire qu'il a plus que 30 ans. Il a 31 ans. Donc, c'est les deux seuls. Le reste, ils ont tout en bas de 30 ans. Fait que oui, Radulov, il est bon, mais la tendance de la Ligue, c'est d'aller toujours de plus en plus vite. Et comme tous les autres joueurs, éventuellement, il va ralentir. Est-ce qu'on veut vraiment être pogné avec Radulov avec un long contrat, un gros montant, puis qu'il ralentisse, puis qu'il nous donne moins en performance sur la glace que ce qu'on le paye? C'est là que le rapport qualité-prix en ce moment est avantageux pour le Canadien. On le paye en bas de 6 millions et nous en donne pour plus que 6 millions. Là, c'est avantageux. Ah, c'est sûr. Mais je pense pas qu'il s'assirait nécessairement sur son contrat. Je veux dire, puis en même temps. Mais c'est au conditionnel. Ouais, puis il semble avoir changé. Puis... Ben, c'est ça, à Nashville, là, c'est là 4 ans. Là, je veux dire, en 4 ans, il s'en repasse des affaires. Là, ah oui, t'es tout à fait d'accord, mais en même temps. Si c'est pas de s'asseoir sur le contrat, ça sera le ralentissement à cause de l'âge. Ouais, fait c'est un lose-lose de donner plus que 2 ans dans mon esprit à moi. Moi, tout, j'y allais pour un 2, mais tu sais, je serais à l'aise aussi avec un 3, mettons. Admettons, là, tu dis, OK, je te donne 2 ans, puis je te donne 6 millions par année. Moi, je suis à l'aise avec ça. Je te donne 3 ans, t'acceptes à 4 millions. Tu veux 4 ans? Je te donne 2,5 en moyenne. C'est plate, là, mais ça va être ça. C'est ça l'argumentaire. Ouais. C'est du cash en même vite, temps, là. C'est sûr qu'il va aller chercher ailleurs plus haut. Là. S'il continue même jusqu'à la fin de l'année, là, je dis, ce gars-là va aller chercher un contrat de 6 ans n'importe où. Si, c'est là que tu vas voir. S'il veut vraiment rester à Montréal. Ben, il a beau aimer la ville, mais si on t'offre 6 ans ailleurs quand t'as 31, c'est clair que tu vas le prendre. Là. C'est clair. 6 ans, 6 millions, il serait capable de dire non. Ben oui. Puis en plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Canadien de Montréal, vu que c'est son joueur, peut négocier avec à partir du 1er janvier. Ça, c'est un point positif. Par contre, si lui décide d'aller négocier puis d'aller tester sa valeur sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, qui s'ouvre le 1er juillet, il y a une affaire un peu spéciale cette année que tout le monde oublie, c'est que la formation de Las Vegas a 48 heures pour négocier avec les joueurs qui deviennent agents libres avant toutes les autres équipes. Las Vegas n'ont pas de masse salariale en ce moment. S'ils décident que Radulov, c'est leur premier joueur d'attaque et qu'ils en font leur point de mire, là, leur achat premier, ils peuvent le faire. Et ils peuvent offrir à peu près ce que peu importe les autres équipes peuvent offrir parce qu'ils n'ont pas de limitation économique. Fait que ça, ce sera un truc très intéressant cette année. Radulov est un des gros noms qui va devenir agent libre sans compensation, mais il y en a d'autres. Il faut regarder là, les listes de protection. François Gagnon qui disait plus tôt là, cette semaine que à moins d'un changement de situation, le Canadien n'aura pas le choix de offrir Carey Price sur le ballottage, sur le repêchage d'expansion. Je sais pas d'où ce que ça vient son affaire. J'ai lu rapidement entre les lignes parce que je me disais c'est clair que le Canadien va compenser là, mais c'est parce que l'affaire, c'est sûr qu'ils vont compenser là, ça c'est évident. Je veux dire, il serait juste épais là. C'est juste parce que Montoya ne peut pas être offert à cause qu'il devient agent libre à la fin de l'année prochaine. Puis tous les autres goalers en bas ont pas assez de matchs pour être réclamés, genre je sais pas quoi, comme Lindgren puis tout. Logiquement, c'est là que Condon aurait pu servir à de quoi, tu sais. En plus. Mais on l'a pu. Fait que faudrait faire signer une prolongation de contrat à Montoya un an juste pour s'assurer qu'il soit disponible le repêchage d'expansion. Ouais, mais à la limite, moi, d'après moi, être Vegas, je vais aller chercher Marc-André Fleury. Non, mais t'as peu, là. Oui, en temps normal, tu vas aller chercher Marc-André Fleury si c'est Montoya qui est offert. Mais si le Canadien est coincé et est obligé d'offrir Price, ils vont ramasser Price, hein? Ouais, mais non. Mais Bergevin va tout faire pour arranger d'avoir un goaler admissible au repêchage. Bien. Mais à ce moment-là, puis tu sais comment est-ce que je suis un amoureux de tout ce qui est l'aspect monétaire du Canadien puis des équipes de la Ligue nationale. En ce moment, le Canadien de Montréal a même pas 2 millions de marge. Fait que soit tu vas chercher un autre gardien pour devenir l'appât, soit tu prolonges Montoya. Puis si tu le prolonges, puis t'es pogné avec la saison prochaine, jusqu'à maintenant, ses performances ne me laissent pas croire qu'on serait en business comme avec lui comme deuxième gardien. Ah, ça, c'est sûr. On est un peu dans le trouble. Ben, le Canadien ne bouge pas dans le trouble, là, on m'en sac pas mal. J'essaie de pas trop y penser parce que j'ai peur. Là. Mais faut y penser. Ouais, je sais, mais moi, je suis pas payé pour penser à ça nécessairement. Fait que je vais oublier cet événement que Price pourrait probablement faire partie de Las Vegas. Parce que ça n'arrivera pas. C'est d'imaginer comment qu'on va faire pour l'éviter. Ben imagine que Las Vegas se ramasse avec Price. L'équipe est déjà compétitive. Oui, ben c'est ce que la Ligue nationale veut. Oui, mais non. aussi, ben tu sais, je regarde les contrats, tu sais, Radulov, faut lui donner. Mettons qu'on lui donne un contrat, on peut pas lui donner moins que 5,775 comme il y a en ce moment, c'est ça? Ouais. 5,75. On peut pas lui donner moins que ça avec les performances qu'il offre. Le Canadien de Montréal pour la saison prochaine est à 50 millions avec Markov, avec Beaulieu, avec Hudon, avec Flynn, avec Galchenyuk et, ça se peut qu'on leur signe pas, Desharnais a signé. Non, je te confirme que Desharnais ne s'est pas signé. Non, ouais. Hey, s'il se fait signer. Ben, quoi que Plekanec a eu 6 millions. Encore une fois, le contrat de Plekanec vient de coincer. Ouais, c'est sûr. Mais il est échangeable. Oui, mais qui va le prendre? Je sais pas. Je sais pas. Et l'année d'après, moi, t'es encore plus chien, là. L'année d'après, c'est au tour de notre capitaine. Ouais, Pacioretty. Pacioretty et Carey Price a signé. Ah non, c'est un gros casse-tête qui s'en vient. Pour vrai, j'aimerais pas être dans les culottes de Marc Bergevin, pour vrai, là. Donc, Radulov, on leur signe, mais on va devoir faire des pirouettes. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. C'est comme là, Emeline paraît bien à côté d'un Shea Weber. Pourrais-tu être passable dans une transaction? Plekanec pour un autre défenseur? Je sais pas. Hein. Je veux dire, Plekanec a quand même une bonne historique derrière lui, fait que ça peut-tu l'aider à être transféré? Ben, son but et ses quatre passes parlent pas mal fort en ce moment, là. Oui, mais il a quand même eu des bonnes saisons avant. Peut-être qu'il fait juste à Montréal, il va mieux aller ailleurs. Son contrat, il est pas. Tu sais, il y a rien qui lie personne à rien. Je veux dire, c'est juste 2 ans, là. C'est pas énorme. À la limite, quelqu'un le prend, là, puis il reste l'année prochaine, puis après ça, plus de Plekanec. C'est pas comme si t'échangerais un Milan Lucic dans 3 ans, qui fait plus rien, puis que t'es pogné avec encore pour 5 ans. T'sais. Non, c'est sûr. Ouais, mon calcul mental était pas très bon, mais c'est pas. Non, mais je comprends le parallèle de t'es pas coincé avec le contrat, puis t'as de la marge de manœuvre, mais son salaire étant ce qu'il est pour les rôles qu'il remplit. Cette année, il est pas en train de s'aider du tout à sortir de Montréal. Ah, ben il y en a une couple là, qui s'aide pas. Là. Ben ouais, pas à sortir de Montréal, mais qui s'aide pas en général. Mm-hmm. Puis ma réflexion, tu sais, je te parle de salaire, je te parle de contrat, puis comment ça va être un casse-tête d'aligner une équipe aussi compétitive l'an prochain. Est-ce que le Canadien est dans sa fenêtre d'opportunité pour la Coupe Stanley cette année et seulement cette année? Ben, vite fait, quand on regarde ça, oui. Parce que là, ça marche super bien. Ça marche pas bien, en plus, malgré des joueurs qui font absolument rien. Puis encore là, avec les gros casse-têtes qui s'en viennent, on a des chances de perdre. Tu sais, je veux dire, regarde l'équipe cette année sans Radula, ils vont dire que c'est pas la même équipe. Mm-hmm. Si on le parle l'année prochaine, tu perds un gros morceau. Qui vient remplacer, mettons, à l'interne? L'interne, présentement, il n'y a pas grand-chose. Je pense pas que tes kids à Saint-Jean sont prêts à prendre un poste d'équivalence de premier trio. Là. Ben, Chris Terry, c'est pour ça qu'on leur signe. Oui, à 27 ans. Ouais. Je comprends tellement pas le Canadien de Montréal. Ouais. Veux-tu non, vraiment me partir là-dessus? Là? Ben, pas tout de suite. Là. Okay, c'est bon. Si tu veux. Non, mais pour vrai... En tout cas, la fenêtre se referme plus vite que ce que je pensais. C'est pas nécessairement négatif, c'est juste que... Puis en même temps, tu sais, l'année prochaine, on parle de ça là. L'année prochaine, probablement, puis on espère que le Canadien va garder son effectif quand même intact, l'améliorer. Mais tu fais comment pour l'améliorer quand tu sais que tu vas devoir donner des hausses de salaire? Tu sais, Galchenyuk est à 2,8, puis il y a un point par match. L'an prochain, si on regarde les comparatifs, là, c'est ça, c'est du 5-6 millions, puis peut-être même plus. Radulov, tu peux pas y donner en bas de 5,75. Il donne quasiment un point par match. Ces deux gars-là, ensemble, c'est 12 millions. Je te rappelle que l'an prochain, le Canadien de Montréal a une marge de manœuvre en ce moment. On est à 50 millions, plus 12, t'es à 62. Puis il te reste Markov à signer, il te reste Beaulieu, il te reste Flynn, il te reste... T'as plein de monde. T'as plein de monde. Mais en partant, Brian Flynn, entre tout et moi, tu gardes ou non? Non. Non. C'était... Bon, non, c'est mais en même sûr temps, qu'ils te garderont pas. C'est 950 000. C'est le salaire presque minimum dans la Ligue nationale. Ouais, qui mais peut on venir s'en le remplacer pour un salaire équivalent? C'est pas, t'sais, ça t'en prend un gars dans son jersey. Là. Ouais, c'est sûr. Mais ça va être quelqu'un d'autre. Là où est-ce que tu as de l'économie à faire, c'est le fait que Desharnais, tu ne le re-signes pas. Markov, tu ne re-signeras probablement pas non plus. Mais j'ose avec les médias de Montréal, puis ils vont tous te dire Markov, faut le re-signer. Ouais, mais j'ose rarement avec Gaston Therrien, justement parce que je veux pas me pogner avec. Gaston qui disait 4 millions pour Markov, je le signe. What? Ben non, je le signe à 2 millions. Ben 3 max par générosité, puis 1 an à la fois. Ah, c'est ça. Puis c'est pas plus, là, pas à 4 millions. Là. En tout cas, Brian Flynn, il s'en va. Desharnais s'en va, tu t'économises, je pense, c'est 3,5 millions. 3,5 plus 1, donc 4,5. Bon, facilement, tu t'en vas échanger Emlyn. Ben beau qui frappe. Mais c'est ton défenseur numéro 2. Non, mais on s'en fout. On s'en fout, pour vrai. OK, je te laisse aussi aller. Le Canuck aussi, il faut que tu t'en débarrasses. Drette-le, là, tu peux te sauver un méchant paquet d'argent. Oui. Puis il faut parce que, justement, si tu veux être capable d'attirer des agents libres qui vont améliorer ton équipe, ben beau là, qu'Emeline, présentement, joue la job de numéro 2, là, mais je suis pas mal sûr qu'elle jouera pas toute l'année, puis je suis pas mal sûr qu'il n'y ait pas il est pas dans la bonne chaise. Ben non. Présentement, là, on va te le dire pourquoi ça marche dans la chaise numéro 2. Parce qu'à côté de lui, t'as Shea à fucking Weber, OK? T'es obligé d'être bon à côté de Shea Weber. Là, je veux dire. Même moi, je parais très bien probablement à côté de Shea Weber, puis je suis assez mauvais, tu sais. Mais pourquoi c'est pas Beaulieu? Ben, Beaulieu, présentement, là, il marche moyen. Mais ça, je suis partagé en maudit sur Beaulieu, puis c'était un de mes sujets. Mais je suis prêt à accepter qu'on l'améliore, lui. Ouais, mais c'est ça. Plutôt qu'essayer d'améliorer Méline. Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Puis présentement, il y a comme un média bashing un peu sur Nathan Beaulieu. Ouais, sur... C'est celui qu'on veut changer, celui qui est pas assez bon, celui qui a pas atteint son plein potentiel. Mais on jase, j'ai entendu Gaston Therrien dire « Ouais, Martin Enzol, il a peut-être pas encore atteint son plein potentiel. » Merde, il a 29 ans! non, mais c'est ça. Mais en tout cas, moi, Nathan Beaulieu, je suis pas un fan de Nathan Beaulieu, mais j'aime quand même le jeu de Nathan Beaulieu. Ce que j'aime pas, c'est l'utilisation qu'on en fait. Je dis, moi, là, le média bashing de Nathan Beaulieu, faudrait l'échanger, faudrait le lasser dans les estrades, faudrait ci, faudrait ça. Dude, il joue sa troisième paire avec Joel Henley en rotation avec Greg Patterson. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Puis Greg Patterson, là. Il est moyen en Donne-moi deux secondes, OK? Faut que je fasse de quoi, là? Vas-y avec la parenthèse. Bravo, Therrien. T'as scrappé un autre mental de kid. Bravo. Moi, le Patterson, à la limite, essaye-le avec Weber, man. Il va reprendre la confiance, puis après ça, joue avec. Faites quoi, mais... Patterson jouait avec une telle solidité en début de saison, là. Il était à toute épreuve jusqu'à ce qu'il fasse une gaffe, puis Therrien le bench. Ben ouais. Après ça, c'était « Ah, on va être en rotation avec Henley. » Là, t'as plus de marge d'erreur. Il joue ses talons, plus capable de rien faire. Bravo, Therrien. Les deux dernières games que j'ai joué pour vrai, même moi, j'étais comme « Tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? » Mais il n'y a pas de confiance. Mais non, mais il n'y a aucune chance pour de rattraper la confiance. Toute la solidité que tu dis sur Craig Patterson, elle a disparu, elle est restée sur le banc. C'est pas compliqué, là. Il était magique en début. Ben, en fait, ça fait 2 ans que ce gars-là, quand il est sur la glace, il joue avec confiance. Puis là, à cette heure, il a de l'air d'un chaton en plein milieu de l'autoroute. Il est effrayé. Il est plus là. Il est plus cette... Il y avait une hargne dans ce gars-là. Il était capable d'aller chercher le hit quand c'était le temps. Il faisait des bonnes premières passes. Il était correct en défensif. C'est un jeune, là. C'est correct, ça. C'est beau de faire des erreurs des fois. Si tu le benches, t'annules tout. Ah, mais c'est ça. C'est en tout cas. Mais ça, c'est la gestion effective de Michel Therrien. On n'est pas très, très surpris. Mais c'est juste plat. Puis je veux dire, même Nathan Beaulieu, je veux dire, arrêtez de le bâcher. Là. Je veux dire, ce gars-là est jeune encore, il va faire des erreurs. C'est sûr que si tu le mets ça à 3, il s'améliorera pas, tu sais. Il vaut son salaire, c'est 1 million $. Il en donne-tu pour plus qu'un million, tu penses, pour le Canadien? Je pense que oui. Déjà là, on a un fair deal. Peux-tu se calmer? Il en donne plus. Il en donne plus qu'un million, là. Ben. Mais il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Puis, à la limite, qu'on l'échange, ça me dérangerait pas, là. C'est pas ça la question. Si tu peux aller chercher quelque chose de bon pour un Nathan Beaulieu, vas-y. Sauf que moi, personnellement, je donnerais plus de chance. Comme à Greg Patterson, à la limite, t'équilibre. Tu mets un Patterson avec un Petrie, mettons, un Markov avec un... je suis en train de checker. Hey, Markov, Emeline, peu importe, je sais pas. Markov génère des points. Ça, je suis complètement d'accord. Il a encore sa vision de jeu, il fait des passes magiques. Mais à plusieurs occasions, en chacun des matchs, il cause des revirements. Ah, mais ça, c'est parce que c'est la rapidité. Il est plus là. En fait, il était là, mais le temps de se rendre, il est plus là. Il est plus là. Yes. C'est ça. Mais c'est pour ça, je pense qu'il joue avec Petrie aussi, là, parce que Petrie est quand même un petit peu plus rapide. Mm-hmm. Il a le côté offensif. Tu sais, Petrie, ça paraît qu'il était pas là l'année passée aussi. Je veux dire, il apporte de quoi au Canadien, il équilibre la défensive du CH. Non, c'est une bonne... En tout cas, moi, je trouve qu'à date, il m'impressionne pas nécessairement, mais il fait ce qu'on lui demande, puis à date, il est bon, tu sais. Mais non, je suis d'accord avec toi pour Markov. La mini-seconde, il l'a dans sa tête, même qu'il est en avance dans sa tête, mais c'est le body qui... Ouais. Il suit comme pas tout le temps bien... C'est pas aligné. Mais non, c'est... En tout cas, mais Nathan Beaulieu, pour vrai, c'est... Mais le média bashing en général, présentement, il y en a en maudit, là. Possible et mauvais gars. Ben, oui, ben. Oui, puis non, là, ça dépend. Qui chiale actuellement sur Plekanec? Personne. Pis c'est en plein ça. Ce gars-là, il y a combien? Il t'a dit 4 buts? Non, 1 but, 4 passes. Ah, donc 5 points. C'est son pire début de saison de sa carrière. Ouais. C'est mauvais, pour vrai. Je veux dire, j'ai rien vraiment à dire là-dessus, juste que pis, c'est. La semaine c'est passée, Martin Lemay qui disait. Pis là, pourquoi tout le monde chiale sur Pacioretty? Voyons, il y a encore du monde qui chiale sur Pacioretty. Il y a 12 points, ouais, ok. Mais il n'est pas là en termes d'implication. Il n'y a pas de hargne. Il joue. Pour vrai, donner le C à Weber. Ouais, mais en fait, je suis d'accord et je suis pas d'accord en même temps sur Pacioretty. Pourquoi? Parce que Pacioretty a tout le temps été comme ça dans les débuts de saison. Puis il finit les saisons comme plus agressif. C'est sûr que c'est plate parce que tu dis Carlick, donne-en plus, t'es le capitaine. Mais pas mal sûr qu'il va finir par se replacer. À 4,5 millions, c'est pas quelque chose qui me gosse le plus. Là. C'est juste le fait qu'il y a le C sur son chandail. Fait que tu veux qu'il en donne plus. C'est un attaquant en plus. Fait que c'est il y a 13 double. Points, 4 buts de 9 passes, Max Pacioretty. Ah, c'est sûr que c'est pas assez. C'est évident que c'est pas assez, mais faut juste s'y laisser le temps. J'imagine, je sais que là, le temps il manque un peu, il faudrait qu'il se réveille au plus vite. Mais en même temps, Pacioretty sur une 3 qui va devenir sur la 4e ligne présentement. Moi, personnellement, avec lui, je serais en beau barnac. Ben, j'espère que ça va le réveiller. Ben oui, mais en même temps, j'ai le feeling que Terrien l'aide pas, genre. Oui, c'est peut-être le genre de joueur à vouloir être chouchouté, genre, regarde, je suis ton capitaine, mon joueur, c'est deux premières lignes, blablabla, puis là, c'est pas ça qui arrive. Fait ouais, c'est parce que je me dis, ça fait des années là, qu'il chouchoute. Puis ça, c'est un autre côté, je suis quand même content qu'il fasse, tu sais, genre, mange-les ton pain noir, va jouer ça à 3 puis ça à 4, tu sais, ok. Mais à un moment donné, je sais pas. Je donnerais comme un petit bonbon juste pour. Ah, oh, let's go, là, tu sais, vas-y, tu sais. Je sais. Moi, je trouve. Moi, Pacioretty, c'est à 3. Je dis, à un moment donné, là, ok, une game pour y faire comprendre. Là. 3, 4, whoop, il s'en va. Parce qu'on s'entend que. C'est pas dit que c'est la 4e ligne, là, mais quand t'es flanqué de Torrey Mitchell au centre, puis d'un Andrew Shaw à droite. Ben oui. On va appeler ça une 4e ligne. Ben, ouais, à la limite, une 3. Ouais. Terrier, en point de presse hier, a dit, et je quote, là, je demande pas à un joueur de marquer des buts. Clairement, c'était visé envers Max Pacioretty. Je pense que la lune de miel est finie. Là. Pacioretty, Terrier, là, je pense que c'est fini. Puis c'est pour le mieux. Puis encore là, je voyais entre autres Georges Larraque dire que c'était pas correct. Tu peux pas faire ça à ton capitaine. Mais en même temps, c'était un peu le temps. Il aurait fallu que ça soit fait avant qu'il devienne capitaine. Ouais, ben c'est sûr. Mais je suis pas d'accord que c'est pas faisable un capitaine. Là. Je veux dire, même Ovechkin, Barry Trotz, leur placeur, m'a dit t'as manqué un entraînement, va tasser dans les estrades. T'sais. Puis c'est correct, là. C'est lui qui est le boss. Moi, ce que j'aime pas, c'est que ça fait 5 games qu'il joue ça à 3. Puis qu'il est pas plus réveillé? Ben oui, mais en même temps. Je sais pas, man. C'est peut-être dans sa mentalité à lui, c'est peut-être son genre, mais. Et est-ce qu'il l'a éteint? Je le sais pas. Mais je te dis, Pacioretty, il faudrait faire une recherche un petit peu poussée. Mais à chaque année, ses débuts de saison sont moyens. Puis il finit. À être meilleur au courant de l'année, tu sais. Mais il faudrait qu'il regarde un Alexander Radulov faire ah, oh, il va chercher rondelle d'un coin, ah, oh, je vais y aller, tu sais. Ce qu'il fait pas, pis ça, je le reconnais, il est pas agressif pour 2 cents. Il va pas chercher rondelle, il frappe pas. Lui, il a un tir. Tu peux pas gagner un match dans la Ligue nationale quand ton leader offensif est pas capable d'aller chercher une rondelle d'un coin. La moitié de la game se passe là. Le plan de match du coach du Canadien, c'est de domper la rondelle derrière les défenseurs. Faut aller chercher la rondelle pour la ramener devant le filet. Quand c'est du bord à Pacioretty, c'est la même stratégie. Faut en mettre en application. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Regarde, c'est pour ça que Radulov avait du succès présentement. Il fait. Ben oui. Il va chercher rondelles. Il fait les petites passes à la bonne place. Il fait les petits coups aux bonnes places. T'sais, il garde son jeu super simple tout en étant agressif, impliqué, rapide. Pis c'est tout le temps... Je sais pas, man, il y a des yeux autour de la tête. T'sais, il voit Paul Byron puis Alex Galchenyuk partout sur la glace. Il évoque tout le temps. Ça me fait capoter. Là. Ce trio-là est vraiment beau à voir, honnêtement. Là. Puis, je sais pas. Est-ce qu'il boude en même temps? Est-ce que Patrick est blessé? Parce qu'on sait peut-être pas non plus, tu sais. C'est pas une excuse, mais moi, j'ai toujours pour mon dire, si t'es blessé, je joue pas. Va t'asseoir parce qu'à un moment donné, tu nuis plus à l'équipe qu'autre chose. Ouais, je pense. Mais en tout cas, c'est à voir, je dis. Puis en même temps, on le saura peut-être jamais. Mais je trouve, moi, personnellement, que Patrick, c'est à 4 ou c'est à 3, plus ou moins acceptable. Un ou deux matchs, je comprends que tu veux donner une petite claque à ses mains, là, mais c'est quand même ton capitaine, c'est quand même ton meilleur attaquant, côté but, mettons. Là. Je sais pas. Mais peut-être que la lune de miel est finie, comme tu as dit. Ça se pourrait très bien. Pis... Ben, on serait dû. Moi, je pense que on serait extrêmement dû. Heureusement, il a pas dit que c'était le pire capitaine de l'histoire. Ouais, là, il s'aide pas, lui. Hein? Ben là, c'est deux saisons en deux, là. Parce que le club gagne, mais aujourd'hui, soyons francs, là. On peut pas dire que c'est grâce à Max Pacioretty que le Canadien a une fiche gagnante. Non, c'est grâce à deux nouveaux joueurs qui viennent de l'organisation des Prédateurs de Nashville, et on appelle ça Shea Weber et Alexander Radulov. Bon, on a un Galchenyuk qui aide aussi. Hey, on pourrait en parler de Galchenyuk. Comment tu le trouves? Puis je t'ai dit ça, puis c'est clair que tu vas me répondre. Ah, il est bon, hein? Ben, il est bon, mais c'est sûr qu'il y a des trucs à améliorer, genre les mises en jeu. Parce que ça, c'est moyen en maudit. Ouais, mais... Par contre, à l'avantage de Galchenyuk, c'est qu'à l'entraînement, il fait toujours du surtemps. Puis ce qu'il travaille en surtemps, c'est ses mises en jeu. Tu vois que l'éthique de travail est là. Ça va finir par débloquer. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est. Il faudrait qu'il prenne des cours privés avec... qui dans le temps qui était bon, là? Malotra. Le Cyclope. Ouais, le Cyclope. Reculons plus loin, là. Tu sais, un Perrault dans le temps? Ah, bah ouais, c'est vieux, ça. Ouais, un Doug Gilmour? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Tu sais, des gars de même, là, des anciens qui pourraient venir coacher juste pour ça, là. Puis, tu sais, faire des face-offs à l'entraînement où est-ce que la puck tombe tout le temps pareil, c'est une chose, là, mais tu sais, de présenter la hargne, là, tu sais, de pratiquer le comment est-ce que ça se passe vraiment dans le feu de l'action, c'est quoi les stratégies, c'est quoi tes options, tu sais, des trucs de vieux de la vieille, là. Je pense que ce serait pas mal vu, là. Non, c'est sûr. Sinon, étonné ou pas de sa production offensive? Ben oui pis non, je veux dire, j'avais peur qu'il continue pas sur sa lancée de fin de saison l'année passée. Mais finalement, regarde, ça va bien. Mais en même temps, tu sais, les deux derniers matchs que Radulov était pas là, il était pas pareil. On dirait qu'il manquait quelque chose. Peut-être qu'il était juste comme plus habitué parce qu'il vois la chimie. La Ligue nationale, ça fonctionne beaucoup par duo, là, même en attaque. Puis ben il manque un des deux gars du duo. Hein? C'est gars, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ça va paraître là. C'est ça. Ça paraît sur le jeu de l'autre. Mais je suis pas étonné. Je suis content en fait que ça continue. 19 points en 19 matchs, c'est. Regarde la date, c'est un point par match, c'est en fait 82. C'est qui le dernier joueur qui a dépassé 80 points? C'est Kovalev. Ouais. Fait qu'on va être bien content. Non, on pourrait. Hey, je te donne une mission, Jerry. Va sur le NHL.com et va chercher les meilleurs pointeurs de la Ligue. Les meilleurs pointeurs de la Ligue? Ouais. Bon, je vais chercher ça. Mais j'imagine que Galchenyuk doit être dans les tops. Si tu me parles de ça après qu'on parle de Galchenyuk. On reste sur Galchenyuk, là. OK. Parce que j'ai comme un petit quiz pour toi. Dans le ranking, Mark Scheifele, des Jets, Nikita Kucherov, Connor McDavid, Tyler Seguin, Steven Stamkos, Patrick Kane, Vladimir Tarasenko, Galchenyuk, Patrick Laine et Artem Anisimov. Ah, attends, j'ai-tu entendu un nom de Patrick Laine puis pas de Matthews? Ouais, j'aime bien. Mais ça reste que Matthews est un joueur plus complet que l'aîné. L'aîné, c'est un one-trick pony. Mais maudit que son trick, il l'a en tabarouette. Puis c'est correct. C'est bien correct. Là. Ça peut lui donner du succès. Tant mieux. 12 buts, 6 passes. Tu sais, c'est un one-trick pony. Là. Ouais. Fait que t'as-tu c'est ça? J'ai ça devant moi présentement. OK. Trouve l'erreur. Dans le top 10, là, je sais. Limite-toi au top 10. Ouais, limite-toi au top 10. Il y a une erreur quelque part, il y a quelque chose qui cloche, puis je veux qu'on règle le problème. Puis c'est pas les gars, hein. C'est quelque chose par rapport aux statistiques des gars. T'as mis l'autre, là? C'est une erreur bien cachée parce que je la vois pas. OK. Regarde le temps de match, le temps online par game des gars dans le top 10. Gatchin a 15 minutes. Ouais. Mike Scheffeli est à 20-47 en moyenne. Kucherov est à 18-7. McDavid est à 21-13. On s'entend que le club, c'est lui le leader. C'est normal qu'il y ait plus de temps de glace. Seguin est à 18-50. Stamkos est à 17-52. Patrick Kane est à 22-23. On s'entend que c'est pas un club de pliers de sillerie. Tarasenko est à 18-16. Galchenyuk est à 15-50. Et Lainé et Anisimov sont à autour de 18 minutes là, pour arrondir, là, pour faire ce cours. Je veux bien là, qu'on dise que Galchenyuk, le fait qu'il ne puisse pas prendre de mise en jeu en zone défensive, soit un problème. Je comprends parfaitement. Mais est-ce normal que, exemple, dans le match contre les Hurricanes de la Caroline, en fin de match, quand il te manque des buts, là, ça te prend de l'offensive, Torrey Mitchell est sur la glace. Ah, mais ça, c'est la mentalité de Grinder là, à Michel Therrien, là, que je suis à Brian Flynn, là, pis tout, là. Pourquoi Plekanec est sur la glace en fin de match? Pourquoi Plekanec est sur la glace en fin de match? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut le relancer. C'est son projet. Il veut le relancer. Ça marchera pas, là. Mais pour vrai, tu viens de me faire ça, là, puis je t'en maudis. Mais t'as besoin d'un but. Ça me fait capoter, là. T'as besoin d'un but. Ton meilleur pointeur est dans le top 10 de la Ligue nationale, puis tu le mets pas sur la glace. Double shift, là. Il est assez jeune pour faire des doubles shifts. Change les ailiers, laisse-les sur la glace. Ah, pour vrai, c'est n'importe quoi. C'est quoi la différence entre une défaite de, mettons, là, la Caroline, c'était 3-1. C'est quoi la différence entre une défaite de 3-1 puis une défaite de, 4-1? Non, mais de 4-1. Ouais, pas grand-chose, c'est une défaite. Il n'y en a pas. Défaite, c'est une défaite. Mais 3-2, tu fais comme, ouais, OK, on se rapproche parce qu'on a une opportunité. Tu peux enlever ton gardien de but puis aller en dernière ligne droite, tu sais, aller marquer le troisième but, égalité. Puis là, oups, tu viens de revirer le match. Mais ça te prend des joueurs offensifs pour ça. C'est le temps de faire des trios genre Pacioretty, Galchenyuk, puis Gallagher, mettons. Ah ouais. Non, mais faut que tu mettes tes meilleurs scoreurs. Man. Ça me pue au nez. Tu sais, quand je te parlais de comment est-ce qu'on a utilisé en défense Sergachev quand il était à Montréal, puis je te disais, la victoire est déjà acquise. C'est 4-1 la victoire. En troisième période, donne-y du temps de match. Donne-y de la glace. Quand même ça se finisse 4-2. Hein? Quand même. Awesome. Ouais, au pire, tu l'enlèves à ce moment-là si c'est de sa faute. Puis sinon, ben, t'as du temps de glace pour le kid, puis t'as une victoire pareille. Pourquoi on maximise pas chez le Canadien de Montréal? Suis-tu le seul qui voit pas ça? Qui voit ça? Non, non. Ben, j'avais pas vu le temps par le temps à sa glace, mais quand, t'sais, imagine si qu'elle a de faire 19 points en 19 matchs avec une moyenne de 15 minutes. Là. On va en dire à 16, là, parce que c'est 15-50. Là. Imagine si tu en donnes 3 de plus par match. Ben. Il va sûrement aller chercher un autre but parce que t'as okay. Un Paul Biron puis un Radulov qui va suivre. T'sais. Regarde la colonne des plus et moins. On est toujours dans le top 10. Là. Scheifele plus 6. Kucherov plus 10. McDavid plus 4. Seguin moins 8. Stamkos 3. Kane plus 5. Tarasenko est à 0. Galchenyuk plus 12. Lainé moins 1. Et Anisimov plus 12. Là aussi, il est dans les leaders. Il est à plus 12. Il doit pas être si dangereux que ça en défensive. C'est quoi une mise en jeu, bâtard? C'est-tu là-dessus que ça se joue? C'est comme le lancer au baseball, il y a rien que ça qui compte. Ben, en défensif, je peux comprendre. Parce que des fois, une bonne mise en jeu remportée, shot de la bleue, puis il est dedans. Là. Mais à l'attaque, semble c'est là que j'en profiterais. Tout ce qu'ils ont neutre et offensif. Ben oui. Pratique-toi in-game. Parce que bien beau que c'est des pratiques, là, pratique. Ben même si c'est à ligne bleue, c'est en vraiment jeu, pas pareil. Ligne bleue défensive. Ah, ouais. Let's go. Ouais, ça c'est sûr, mais c'est ça l'affaire. En tout cas, moi je plafonnerais son temps d'utilisation à 20 minutes. Là. C'est pas 22. Hein. Ben, il me semble que Radulov et Galchenyuk devraient se ramasser à au moins jouer entre 18 et 19 minutes par match. Minimum. C'est sûr. Mais en même temps, regarde, si tu regardes le Canadien, là, en moyenne, les joueurs ont ça. 15 minutes par match. Là. Ceux qui ont le plus de minutes par match, là, c'est Patchery et Plekanec. C'est les deux seuls qui sont à 17 minutes. Voyons, après ça, c'est tout de la défensive. En haut. C'est tout de la défensive. Voyons, Jerry, c'est moi qui fais de l'Alzheimer, mais il me semble qu'on vient de parler d'eux autres. C'était-tu positif ce qu'on disait? What that? Non, hein? Mais, ben voyons. Tu comprends ce que je veux dire par toute l'équipe au complet? On dirait qu'il veut donner le plus de temps de glace à tout le monde. Je veux dire, un Lekkonen qui avait 13 minutes, Non, il veut surtout pas faire écoper des joueurs chouchous, des vétérans, qui pourraient lui faire perdre son banc. Ah, c'est sûr, mais tu sais, comme Brendan Gallagher aussi, 15 minutes. Andrew Shaw en a 14. Biron en a 13. Il veut tellement trop être. Il veut pas être fair. Il veut une pour tout le monde. Il veut juste pas perdre son banc. Parce que si tu fais moins jouer Pacioretty et Plekanec, ça va résonner dans la chambre. Malheureusement. Parce que ces gars-là sont censés avoir du leadership. Ouais, en tout cas. On verra. Avais-tu un sujet pour moi? Hey, j'aimais ça, mon petit quiz de même. Non, mais c'était. Moi, ça. Ouais, ça. En tout cas. J'ai de la misère avec ça. Mon sujet. Sérieusement, juste avec toutes les jasettes qu'on vient d'avoir, là. Ouais, moi, je l'ai barré de couple. J'en ai barré plein. Mais je vais te parler d'une affaire très rapidement. On est le 21 novembre. Oui. Demain, on est le 22. Mais c'est la logique. Pour vrai, là? Oui. Puis demain. T'écris pas. Je te le dis. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. OK. Le 22, c'est la journée. Le 22 novembre 2016, que l'uniforme, le logo et le nom de l'équipe de Las Vegas vont être révélés. Intéressant. Il y a eu des informations qui ont été leakées, on s'entend. Là. Oups! Ce n'est pas. C'est peut-être même pas vrai, mais j'ai eu le feeling que ça va être ça. Oui. Donc, le nom serait les Desert Knights. Hey, c'est lettre en chien. Oui, puis en même temps, je ne suis pas surpris. Et les couleurs seraient les couleurs primaires rouge, noir et or. Rouge, noir et or. Ben, ouais, les couleurs, c'est correct. Là, ça peut être cool. Oh, ouais, ça peut être très cool. J'ai hâte de voir pareil qu'est-ce que ça va donner parce que le logo, il n'y avait rien. J'ai rien vu de photo en tant que tel. Or, là, ouais, ça dépend. Parce que les Flyers, cette année, leur chiffre, là, leur numéro. C'est lettre. C'est or, c'est lettre en bâtisse. Mais c'est argent. Ça fait pas avec l'orange. Mais argent, j'aurais fait comme. Oh, c'est cool, tu sais. L'or, c'est le sable. Ouais, mais l'or de Vegas, je sais pas. Ouais. C'est, d'après moi, c'est là qu'ils ont été chercher le. Peut-être, là, mais. Je pense à ça, puis rouge et noir, ça fait cool. Tu sais, les Sénateurs, leur logo noir dans le temps, c'est. Il est nice, ça. Ça peut être très, très beau. Mais or, tu sais, argent, ça aurait été malade. C'est sûr. J'ai hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir le nom aussi, parce que. Tu sais, mettons qu'il y aurait d'autres chevalier dans la ligue. Là, t'as besoin de spécifier qu'eux autres, c'est du désert. Mais là, il n'y en a pas d'autres. Fait que pourquoi tu rajoutes désert? Ben, en fait, c'est parce que je sais qu'à la base, ils voulaient vraiment les Knights, mais le nom appartient aux Knights de London. Mais oui, il me semble. Il y avait une autre équipe, je sais pas trop, là, universitaire ou je sais pas quoi, qui s'appelait aussi les Knights. Fait que je pense pas qu'il y avait des propriétés là-dessus. Là. Ben, les Knights de London, d'après moi, oui. Mais non, mais c'est un nom d'équipe, c'est pas une marque de commerce. Mais peut-être que je me trompe, là. Ouais, ça, il faudrait faire des recherches. Écoute, dans la Ligue canadienne de football, t'as deux clubs qui s'appellent les Rough Riders. Ben, pendant une certaine époque, là, pas maintenant, là. Ouais, parce que c'est comme, ah, ouais, il y en a deux. Mais tu sais, ça se peut, mais c'était à l'époque, justement. Tu sais, aujourd'hui. Peut-être, ok. Tu, je sais pas, regarde, je pourrais pas te dire, là. Mais d'après moi, c'est sûr que le nom Knight dedans, là. Fait qu'on va voir. Tu sais, il y avait beaucoup de monde qui disait les Black Knights. Ben, ça aurait été nice. Oui, mais je pense que c'est trop négatif. Ben, c'est un club d'hockey, là. C'est pas une équipe de majorette, là. Mais quand même. Fait que, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Puis, c'est sûr. On va partager ça sur notre page Facebook. Facebook.com/lapoc. T'as un bon moment pour le plugger. Ben, ok, ça donne-tu bien, hein? Je veux qu'on jase de. Qu'est-ce que tu veux. Ah oui, oui. On a glissé mot tantôt. Il y a une grosse rumeur à l'entour du Canadien de Montréal. Semble-t-il qu'on se cherche un deuxième centre. Et la rumeur vient tout droit de l'Arizona. Et Martin Enzall, 29 ans. Meilleure production en carrière. 15 buts, 41 points. C'est pas la même saison, les deux, imagine. Et 4 points en 10 matchs cette saison. Et là, ben moi, je me dis, ouais, ordinaire. Le seul avantage, c'est qu'il y a un contrat qui se termine cette saison, fait que si on se débarrasse de Plekanec, il vient prendre le même rôle pour moins cher, moins longtemps, on vient de régler une partie de notre problème de masse salariale qu'on parlait tantôt. Mais là, où est-ce que moi, je veux vraiment jaser avec toi? On jase! J'adore ce podcast-là, c'est super bon, sauf que des fois, il y a des petites perles de même. Notre ami Gaston était en interview à On jase avec Normand Flynn pour parler de cette rumeur-là. Puis c'était un show spécial, il était à Ottawa. Fait que là, je fais comme, ils sont proches chez nous. Et là, ils se sont permis de dire ceci. Ils ont proposé une transaction impliquant Plekanec et André Ghetto contre Martin Enzall. T'en penses quoi, mon Jerry? J'en pense que j'étais en barnac sur Internet. Honnêtement, là, Sven André Ghetto, là, va probablement faire plus de points une saison, un moment donné avec un club de la Ligue nationale que Martin Enzall. Et de deux, Plekanec, ben beau, je l'aime pas tant, là. Mais il en fait plus des deux sens de la patinoire. Bon, qu'il fait pas de points en ce moment, là. Il s'aide pas, là, à ce que je le défende. Mais j'aime pas le trade en tant que tel. Si la seule affaire qui me ferait pencher pour faire un trade, c'est Plekanec, Enzall, one-on-one, et c'est seulement pour le côté salarial de la fin d'année. Là, on est mais d'accord. En même temps, la seule affaire, mais en même temps, aussi bien donner Plekanec au balotage. Je veux dire, honnêtement, là, donne-les. Ben, ça te prend quelqu'un rempli de jersey. Est-ce qu'on a mieux que ça dans l'organisation du Canadien? Ben, honnêtement, je donnerais autre chose. Je mettrais quelqu'un d'autre. Moi, je ferais jouer un jeune. Tu sais, je dis, Charles Hudon a quand même bien fait à la date. Non. Wow! Charles Hudon, wow! Philippe Dano ferait le meilleur job sur sa deuxième ligne qu'un Plekanec. Tabarouette, là, tu me niaises. Moi, là, elle me fait capoter, OK? Je pense que c'était pour ça que j'étais en maudit sur Internet la dernière fois, hein? Ça se peut, oui. Ah! Mais au moins, on est d'accord. T'es pas en maudit après moi. Ça, j'aime non, ça. Non, mais non, mais pour vrai, c'est parce que je comprends pas c'est quoi qu'a eu l'idée. Lui, dans sa tête, il dit « Plekanec fait rien, puis André Ghetto est ignoré balotage, fait qu'on va le donner, tu sais. » Ça marche pas comme ça, le grand. Ben, regarde, non, la réponse, c'est non. One-on-one, Plekanec, Enzall, oui, mais seulement pour le salaire. À la limite, là, essaie d'aller chercher quelque chose d'autre. C'est un plan B, là. C'est un échange de plan B fin de saison si on finalement on ferait pas une série, tu sais. Ben, c'est là qu'on voit que la Ligue nationale, c'est une ligue comptable, parce qu'on envisage une transaction Plekanec-Enzall. Déjà là, on se dit, wow, talent, one-on-one, on n'est pas là. Puis Enzall, là, c'est pas lui qui a inventé le bouton à quatre trous, là. C'est un joueur qui est régulièrement blessé, production offensive extrêmement faible. Écoute, le gars, là, il a de l'imagination en attaque autant qu'une râpe à fromage. C'est à peu près ça, là. Bob Hartland, en entrevue, disait que c'est un gars qui est zéro rapide, qui a pas de hargne. Oui, il a un gros 16, mais il l'utilise pas. Si on avait Lars Eller à 6 pieds 3, puis il faisait fuck-all, là. Il l'a comparé à Lars Eller, mais en un un petit peu plus offensif. Puis à peine. Ah, il y a un meilleur shot. Ça va être tout. Encore une fois, je me demande, si le Canadien a bel et bien intérêt envers Enzor. Ce qui reste encore à prouver, parce que ce ne sont que des rumeurs. Pourquoi? Et surtout, contre qui ils pensent pouvoir l'envoyer? Le ramasser, puis qui t'envoie en retour? Pour que ça vaille la peine. Puis pour remplir quel rôle? Si tu me dis aujourd'hui que le vrai problème du Canadien en attaque, c'est qu'il manque un deuxième centre, Enzal ne vient pas compléter, ne vient pas boucher ce trou-là. Non, c'est ce que je dis. Philippe Dano ferait le meilleur job cette année comme deuxième centre. Écoute, on va prendre Enzal sur une troisième ligne à la place de Plekanec, puis après ça, il faut échanger Plekanec pour un deuxième centre. Je vais te dire, qui dans la ligue, comme on s'en jasait dans le dernier show, qui dans la ligue va vraiment se dire je vais échanger un deuxième centre contre un troisième qui produit plus, qui vaut 6 millions sa masse salariale? Mais il y a toujours possibilité de voir un joueur rebondir avec une autre formation, ça on l'a vu. Oui. Mais tu prends-tu le risque? Non. Ben, en fait, je pense à ça pendant que tu parlais en même temps. Si t'inclus, exemple, là, je donne ça comme ça, Plekanec, Andrigetto, mettons, là, mais tu t'es capable d'aller chercher un Anthony Duclair avec un Martin Enzal, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient un peu se me chercher. Va falloir que tu rajoutes au moins un deuxième pic au repêchage. Ça dépend. Minimum. Anthony Duclair, présentement, ne fait rien en Arizona. Je le sais, mon pool en souffre. Mais... Tu sais, dans le sens que Anthony Duclair, l'année passée, c'était magique avec Max Domi. Cette année, ça marche moins bien. Domi performe, mais pour ce qui est de Duclair, on dirait qu'il n'y a pas la touche magique. Est-ce que, comme je te dis, il y a un changement de décor? Je sais que ça en ferait trois en trois ans. Là, c'est quand même intense. Mais, je sais pas. Tu sais, c'est... Juste pour te dire que moi, je trouve ça plus intéressant d'avoir un Martin Enzal qui finit à la fin de l'année, avec un Duclair qui est encore jeune, qui peut s'améliorer, qui ferait partie du futur du Canadien de Montréal, à la place d'un Plekanec qui fait absolument rien, qu'on est tanné, son contrat est trop gros, puis un Sonny Rigetto qui, honnêtement, je lui souhaiterais de changer l'équipe pour avoir une meilleure chance. Prendre un peu plus de respect. C'est même chose ça. Que Patrin, je veux le garder à Montréal, mais il n'y a pas de respect envers ce gars-là. Non, mais c'est ça. Fait que tu sais, Duclair est capable de jouer au centre. Il est capable de jouer à l'aile. S'il devient un joueur plus intense, s'il serait capable de prendre sa place à Montréal, est-ce qu'on aurait un futur deuxième centre? Je ne sais pas. Là, comme je fabule, comme j'adore le faire. Mais comme je te dis, cette proposition de transfert-là m'intéresse beaucoup plus qu'un one-on-one ou un Andrigetto Plekanec pour un Enzal. Moi, je trouve que c'est juste beaucoup trop donné. Non, on est tout à fait d'accord là-dessus. Pour moi, c'est ça. Il faut que ça soit une transaction comptable parce que ça peut pas être une question de talent. Là. Je peux pas croire. Là. Ça fait juste pas de sens. Puis ce qui me frustre surtout, là, c'est comment est-ce que les médias désinforment le monde. Ouais. Comment tu peux proposer ça honnêtement? Là? Puis recevoir un salaire en retour, là. C'est surtout ça qui est frustrant, en fait. Là. Ben, comment tu peux... Faut vraiment que tu penses que le monde regarde pas le hockey. Là. Faut que tu sois là, là. Dans ta réflexion. Écoute, ouais. Gaston Therrien qui dit il a peut-être pas encore atteint son potentiel offensif, mais qu'il y a 8 phrases avant, il est en train de planter Beaulieu. Ouais, Beaulieu, il a pas le talent qu'on pensait. Voyons, c'est... Comment tu peux annuler d'une phrase à l'autre ce que tu es en train de dire? À 29 ans, Enzal n'a pas atteint son potentiel offensif, mais à... 23 ans. 23 ans, Beaulieu. Fini, man. Fini. 23 ans, OK? Honnêtement, il y a des défenseurs qui ne jouent même pas encore dans Ligue nationale à cet âge-là et qui deviennent des défenseurs numéro top 2. Ben, des défenseurs honnêtes, disons ça. Ouais, là. Top 4, mettons. Là. Ouais. Qui rentre dans le national vers 25 ans. Mm-hmm. Fait que tu sais, à 1 million, Nathan Beaulieu joue dans la Ligue nationale. Il a 6 points en 19 games. Il est à plus 6 sur une troisième paire changeante. Ah, il est vraiment pas bon. Lâchez-moi avec Nathan Beaulieu, là, honnêtement. Là, juste... En tout cas. J'ai de la misère avec le média bashing. Ben, j'ai participé au show de Spermatozoïde avec Monk Tremblay, puis on a parlé un peu de la situation du Canadien de Montréal. Puis, tu sais, il me demandait comment tu décrirais ton show la PUC. J'ai dit, ben, on est vraiment en train de se faire une spécialité d'analyser les médias qui couvrent le Canadien. Parce que nous autres, on n'a pas d'attache avec le Canadien de Montréal. Nous autres, on parle librement. Faites juste regarder, tu sais. TVA Sport, ils veulent une franchise de la Ligue nationale. Fait que ce ne sera pas pour planter le contrat qu'ils ont avec ce Sportsnet qui a des droits pour la Ligue nationale pour la diffusion. Puis ouais. RDS est propriété de Bell, qui est copropriétaire du Canadien de Montréal. Et où la neutralité? Il n'y en a pas, là. Non, non. Il n'y en a absolument pas. Puis même à la radio, Martin McGuire puis Danny Dubé, je les adore, là. Ils sont super bons pour faire leur job d'analyste quand c'est le temps des games. Mais en dehors des games, pour analyser qu'est-ce qui se passe, je les écoutais au retour du match que j'ai été voir contre les Flyers. Le Canadien s'est fait bouffer. C'était pas de Price, il n'y a pas de game. Et surtout, Markov est une nuisance sur plusieurs jeux, mais il y a un but dans ce game-là, fait qu'on l'encensait. Ben, tu sais, comme tu disais tantôt, Markov engendre des points. Il y a quand même 14 points. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Fait que c'est quand même bien, mais il est à plus 3. C'est pas assez quand t'as 14 points. Ben oui, c'est ça, c'est exact. C'est tu vois drette là qu'il y a quelque chose qui marche pas. 21 minutes par match, c'est peut-être trop pour ce qu'il est capable de donner présentement. Hey, il commence à vieillir. Si on trouve, puis on en parlait au début de la saison, qu'un Shea Weber était sur le point, tu sais, genre, il devenait comme plus lent ou peu importe, André Markov en a 37. C'est deux fois pire. Shea Weber en a 31. Shea Weber n'est pas aussi lent qu'on pensait qu'il allait l'être. Il est efficace. Puis André Markov a été bon. Il est encore bon, là, on s'entend. Je dis, il n'est pas mauvais. Mais il n'est plus l'élite qu'il était avant. Puis il a 37 ans. Là. C'est normal qu'il soit rendu là. Je n'ai aucune idée où est-ce que je m'en allais avec ça. Ben... Je veux juste te dire que ouais. Shea Weber est bon finalement. Ah, c'est ça ta conclusion. Ok. Ouais. Alors, mais ça finit tout le temps bien de conclusion. Là. Shea Weber est bon. Ok. On peut pas dire que t'es un menteur. Là. Non, mais c'est ça. C'est... Markov est encore bon, mais il faut peut-être y en donner moins. Là. Ok, je veux qu'on parle du rappel cette semaine. On a vu Charles Hudon être rappelé. Risque d'être retourné dans pas tellement longtemps parce qu'il y a des blessés qui reviennent. Zéro but, une passe. Un point, bien sûr, en deux matchs. Fiche de zéro. 12 minutes et demie de temps de jeu. Et Chris Terry, trois matchs. Zéro but, une passe, moins un. C'est le seul, en fait, qui est dans le négatif dans le Canadien de Montréal au complet. Moi, j'ai aucun joueur dans le négatif. J'ai le goût de te demander, who the fuck is Chris Terry? Chris Terry, jeune joueur originaire du Wisconsin. Non, j'ai aucune idée, en fait. C'est un gars de 27 ans. Qu'on rappelle la Ligue américaine parce que bon résultat là-bas. C'était le meilleur pointeur avec 15 points en 14 matchs, mais une fiche de moins 2. On l'a rappelé avant Charles Hudon, qui est deuxième pointeur à 14 points en 15 matchs. On le rappelle surtout avant un Nikita Sherbak, qui est à 14 points en 18 matchs et est à 0. On le rappelle avant un. Qui qu'on pourrait dire qui pourrait Karen Chant? Un McCarron. C'est quoi l'intérêt de rappeler un gars de 27 ans qui est encore à cheval dans la Ligue nationale et AHL versus un kid qui lui bénéficierait au long de sa carrière d'avoir une telle opportunité? En fait, là, Chris Terry, je l'ai rebaptisé Bud Holloway 2016-2017. Puis je t'avais demandé la même question l'an passé. Who the fuck is Bud Holloway? Non, mais c'est vrai, pour vrai, c'est un vétéran de Ligue américaine qui va juste aider les jeunes à faire connaître la Ligue nationale, les rudiments de la Ligue nationale, tu sais, genre, à préparer les jeunes. Ça finit là. Je te pose la question, ça sert à quoi à long terme pour le Canadien? Ah, ça sert absolument à rien, mais ça te prend des vétérans quand même dans les games américaines, ça c'est sûr. Oui, oui, mais t'y rappelles pas. Non, mais c'est ça, ça c'est l'erreur dans le lot de ce qu'on parle. T'y rappelles pas. Harry... Non, mais c'est surtout que je suis quand même content qu'il ait rappelé Charles Houdon, pareil. Parce que Charles Houdon, rappelons-le, il y a 5 matchs en Ligue nationale dans toute sa carrière. Ouais. Il a 3 points, il est à plus 2. Mais il est pas assez bon. OK, il est pas assez bon, on va se non, le dire. Non, mais ouais, il faudrait qu'il en ait 18 points en 5 matchs. Ouais. Là, on comprendrait. Commencerait à jaser. Puis venez pas me dire, ouais, mais il est 5 pieds 10. On s'en calisse. Pour vrai, là, je veux dire, on s'en fout. Avec ça de l'air que moi, je prendrais n'importe quand Johnny Gaudreau dans mon club. On ben, tabarouette. T'as l'argument numéro 1. Johnny Gaudreau, c'est un gars-là, encore le même dans le temps, t'avais Martin Saint-Louis. Qui c'est qui prenait pas Martin Saint-Louis à 5 pieds 10, tu sais? Ça n'a aucun maudit rapport, la grandeur. Check, même dans notre club, on le voit. Là, y a Paul Byron qui performe cette année. Gallagher un peu moins, mais il est quand même achalant. Sa présence, même s'il est petit, il a une grosse présence. On s'en fout, la grandeur. Mais Charles Houdon, pour vrai, il a besoin de rester. Moi, je le garderai à Montréal. Je descendrai Chris Terry personnellement. C'est sûr que là, comme tu dis, il y a des blessés qui reviennent. Fait que ça joue peut-être un peu moins bien dans son sens à lui. Mais on a assis David Darnay quelques matchs. On l'a ramené, bien évidemment, parce qu'il y avait des blessures. Bon, il a fait 2 points dans le match, fait que tout le monde capote. Mais David Darnay, 6 points en 18 matchs, c'est pas assez. C'est, je me fous que ce soit un troisième centre, que ce soit un quatrième centre. Darnay, pour lui, c'est plate, mais il faut qu'il y ait des bonnes statistiques, parce que sinon, ça vaut pas la peine de le garder. Bon, évidemment, on ne garde plus à la fin de l'année, fait que en même temps, c'est pas bien ben grave. Pour le Canadien, mais pour lui, c'est grave. S'il veut avoir un contrat dans la Ligue nationale, c'est que la chaise de Darnay, c'est d'être un producteur de points. S'il fait pas ça, il n'y a pas de place dans l'alignement. C'est ça, il sert à rien, tu sais. Mais, tu sais, comme si tu regardes ça de même, là, faut donner des chances à des jeunes joueurs. T'as un Charles Houdon. T'as un Philippe Dano qui prend de plus en plus de place, ça, je suis vraiment content. Vraiment, ouais. Il a le kid, puis lui tout, il est encore super jeune, mais tu sais, il a été repêché à Chicago dans l'ère Bergevin. Je pense que les Hawks vont s'en mordre les doigts éventuellement. Ben, c'est sûr. Échangé. Déjà en partant, 9 points en 19 matchs, il en donne plus, je pense, que beaucoup de gens pensaient qu'il allait en donner. Il s'établit comme un facile troisième centre. Moi, j'arrêtais pas de dire que Michael McCarron allait prendre la place de Darnay l'année prochaine. J'ai le feeling qu'il s'est fait voler son poste cette année par Philippe Dano. Ben, c'est correct qu'il est pas prêt. C'est pas pour là. Puis c'est encore un projet à long terme, McCarron. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Ça, c'est pas là, là. C'est encore 2 saisons faciles. C'est ça. Puis Philippe Dano nous donne le luxe d'être patient, justement, avec un Michael McCarron. Ouais. Non, pour vrai, j'aime beaucoup ce que je vois présentement de Philippe Dano. Charles Houdon, à date, il a pas fait d'éclat. J'adore son jeu quand même. Mais il y a des jeunes, par exemple, que moi, Daniel Carr, personnellement, m'impressionne pas en tout. Mais comment c'est plus jeune, là, Daniel Carr? Ben, il est quand même jeune, oui. Mais tu sais, si tu me donnes le choix entre un Daniel Carr et un Sven Andrighetto, on dirait que je penche plus pour un Sven Andrighetto. Mais il faut que Sven, tu le mettes dans la bonne chaise avec les bons joueurs, tu sais. En fait, c'est un gros jeu de pâte à modeler. Faut juste que tu mélanges la bonne pâte à modeler ensemble. Je lisais les images, moi, en ce moment. Ben, écoute, j'essaie de voir, là. Un Sven Andrighetto en pâte à modeler. Il y a 25 ans, Daniel Carr. Ah, c'est encore jeune. Ouais. C'est quand tu sais qu'un attaquant commence à ralentir autour de 30 ans. Il se rapproche d'un bas de Holloway de 2018. Ben, ça ressemble à ça, là. Mais en même temps, il a fait preuve de bonne performance l'an passé quand ça allait mal. C'est correct d'y redonner sa chance, mais moi, ça serait pas. Il n'y en aurait pas 8000. Non. Non, vraiment pas. Mais en tout cas. Dans la même veine, on parlait de Desharnais, puis Daniel Carosella demandait, on a mis Desharnais dans les gradins, il y avait des raisons, mais coach Terrien fera-t-il la même chose avec un certain Plekanec qui est complètement éteint et qui surtout éteint les ailiers jouant avec lui? Il dit, je défends pas Desharnais, mais si bol que d'autres mériteraient aussi d'aller réfléchir et de regarder une game en haut. Ah, mais il a totalement raison, honnêtement. Écoute, si Plekanec était capable d'éteindre un Brendan Gallagher, ouais. Parce que c'est un instincteur qui marche bien en maudit. Ces gars de rouler sont assez à l'épreuve, merci du plaisir. Ah non, mais pour vrai, c'est... Non, je suis totalement d'accord. Moi, tout, j'essaierai Plekanec. Je me fous de son contrat. Je me fous de son statut dans l'équipe. Je m'excuse. Va t'asseoir dans les estrades. Va regarder la game parce qu'il y a quelque chose que tu comprends pas. Oui. Oui, je le ferai. Totalement. Même que check, ça a fouetté dernier une game. Ouais. Ben, moi, c'est le risque de perdre la chambre parce que c'est un vétéran qui est influent. Ça fait très longtemps qu'il était avec le Canadien de Montréal. Et faut que tu sois vraiment sûr que tes autres leaders dans l'équipe sont d'accord avec la décision. M'a dit une affaire. Ça reste ton meilleur, pas ton meilleur là, mais ton plus haut salarié de l'équipe là, en attaque. Ouais, mais tu sais, des leaders dans l'équipe, t'en as plusieurs. Même que je te dirais qu'il y a des leaders qui ont même pas de lettres, qui ont plus d'influence présentement sur le club. Un Radulov, un Galchenyuk qui est un jeune vétéran. T'as des joueurs qui prennent beaucoup plus de place comme un Shea Weber. Je suis sûr que tu poserais la question à Shea Weber, Pacioretty, même Pacioretty, je penserais bien beau vouloir protéger ton ami et tout, mais je pense qu'il serait peut-être même d'accord de le mettre. Plekanec ne fait absolument rien. Tu sais, quand je dis qu'il fait rien, c'est qu'il fait rien pantoute. Je dis même défensivement, des fois, il est chassant. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Il me fait peur, Plekanec, à soeur, quand il est sur la glace. Là. J'ai peur qu'il se passe de quoi. Puis avant, même s'il faisait rien en avant, je savais qu'il était là pour être en défensive, qu'il était efficace en défensive. Présentement, il n'y a rien. Peut-être juste qu'il a besoin de voir de quoi d'en haut de la passerelle. Je veux dire, il y a souvent des joueurs qui l'ont dit, ça. Si je passe à la glace puis que je suis en haut, ben tu vois des affaires que tu vois pas quand tu es à la glace. C'est bénéfique. Tu peux rajuster ton jeu. Je sais pas, je suis pas un joueur de hockey, puis j'ai jamais regardé de game sur la passerelle. En fait, j'attends mes passes pour aller les voir, mais ils me rappellent jamais. Mais tu sais, c'est beau rêver. Ouais, effectivement. Mais non, pour vrai, oui, Daniel, j'assierais Plekanec personnellement sa galerie de presse. Faire la même sorte que David Dernay. Ben beau que t'es un vétéran à un moment donné, mais c'est... Je suis d'accord avec le fait que tu dises de perdre sa chambre, mais je pense pas que c'est Plekanec seulement qui va faire changer l'attitude de 23 gars dans la ligne dans l'équipe. Là. Personnellement. Là, ben, tu sais, faut que un Shea Weber et un Carey Price soient derrière la décision. Parce que... C'est sûr. Pourquoi je mets pas Pacioretty? Parce que je me dis, c'est le prochain. Fait que si tu demandes, il va faire comme « Non, moi non! » Tu sais, au cas que ce serait mon tour éventuellement. Fait que, non, c'est ça. Faut que tes vrais leaders dans l'équipe soient d'accord avec la décision. Puis ça, ben. Tu sais, c'est lourd comme décision, là. C'est lourd comme impact potentiel. Puis moi, je le ferais, là. Tu sais, t'as pas de cœur. Tu fais juste froidement regarder la situation sur la glace en termes de performance. Puis tu dis, oui, c'est clair. Il mériterait d'être fouetté. Puis d'avoir un message clair. Le problème, c'est comment est-ce que ce message-là peut être perçu par les autres joueurs? Comment est-ce que ça peut se répercuter? C'est là où est-ce que moi j'ai un questionnement. Je suis pas dans la chambre. Je ne sais pas c'est quoi la relation entre Terrien et ses joueurs. Je sais que en termes de communication, c'est pas pour rien qu'on est allé chercher Kirk Muller. C'est pas pour rien, là. C'est lui qui fait le pont entre le coaching staff et les joueurs. C'est lui le coach player. Fait que je sais pas jusqu'à quel point Terrien est apprécié de ses joueurs et comment est-ce qu'une telle décision pourrait avoir comme se refléter sur les autres joueurs. Je sais pas si c'est assez clair comme comment est-ce que j'explique ça, là, mais. Moi, j'ai tout compris. C'est pas mal ça, ma réflexion. C'est l'impact que ça peut avoir sur les autres gars que Plekanec. En même temps, les autres joueurs doivent se dire faut gagner. Présentement, il apporte rien. Ben beau aimer le gars, ben beau aimer ses cols roulés. Il n'y a personne à l'abri. C'est ce que ça dirait comme message. Ben c'est justement, puis veux pas, si tu veux un contrôle sur ta chambre, c'est un peu ça qu'il faut que tu fasses, parce que sinon, c'est bien facile. De genre, il fait plus longtemps que toi, je te cite, blablabla, tu vas sauter bien avant. Mais je m'excuse, mais avec Bergevin, ça n'a pas l'air de vouloir faire ça. Ce qui est quand même une bonne chose en soi. C'est juste malheureux que ce soit Michel Therrien. Mais, je sais pas, à la limite, baisse son temps de jeu. Il y a 17 minutes en moyenne, je veux dire. Ben, c'est parce que Terrien commence à coacher de défensif quand il y a une avance d'un but. On l'a vu avec la Caroline. Oui, c'est sûr. Mais Plekanec est à zéro. Je veux bien qu'il soit défensif. Non, je sais, mais normalement... Qui a plus 12. Normalement, c'est censé être ton gars défensif de l'équipe. Ben, Gatchin, qui doit être capable de jouer défensif, c'est en plus, qui était à plus 12, pareil. Puis en plus, il est capable de faire des points. Ben, tabarouette. Ça donne si bien, hein? Ouais. Avais-tu d'autres choses? Parce que moi, j'ai un dernier truc, puis c'est un sujet plus NHL Worldwide. À la grandeur de la Ligue. Ça vient de Jonathan Turcotte. Ouais, puis on finirait là-dessus. Ouais, parce que moi, tout, je voulais parler de ça, fait qu'on est bien correct, on finit avec ça. Parfait. Donc, Jonathan Turcotte qui nous a demandé quelle équipe qui vous surprend le plus en ce début de saison, une dans l'Est, une dans l'Ouest. Et moi, là-dessus, je te dirais les Islanders de New York sont derniers dans la Ligue en ce moment. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de gaspiller le talent de leur capitaine, John Tavares, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, mais qui est toujours mal encadré, mal entouré. Ça va pas bien là-bas. Puis c'est vraiment triste pour lui. Puis ben, ça me fait penser que les DG sont caves, parce que, entre autres, Andrew Ladd, que tout le monde voyait à Montréal, 30 ans, 38 millions pour 7 ans, a 3 points en 16 matchs. Qui le veut à Montréal encore? Hein? Levez la main! Hein? Ceux qui disaient qu'il fallait l'amener à Montréal, là? Hein? Hein? Levez la main! C'est ça. C'est ça. Sinon, dans l'Ouest... Dans l'Ouest... Ben, je te dirais les Canucks de Vancouver. Pas que ça me surprend, mais s'ils avaient voulu faire une reconstruction, au moins, ça vaudrait la peine d'être dans la CAF. Là, ils ont gardé leurs vétérans, ils vont mourir avec, ils vont les échanger trop tard pour avoir un maximum de valeur, puis de finir dernier va servir à peu près à rien, parce que le talent de cette année, oui, c'est un bon gars, mais le niveau général du draft est pas mal plus bas que dans les deux dernières années. Fait qu'il aurait dû en profiter quand c'était vraiment payant. Puis ben, ils ont ce qu'ils méritent. Ils ont pas voulu prendre le taureau par les cornes puis assumer la situation. Ben, qu'ils payent pour. Ils vont être dans la cave longtemps. Vancouver, c'est une succession d'erreurs. Ah, c'est Luongo, Schneider. En fait, Échangé les settings. C'est. En général, ils font à peu près le même plan de match que le Canadien de Montréal. Ils visent la clôture. Ils visent de faire les playoffs année après année. Ouais, au moins, les Canadiens sont capables de la faire. Ben, le Canadien de Montréal a eu une très, très belle chance quand il y a eu le repêchage avec le Boulier, là, l'année de Crosby, puis qui ont repêché 5e, puis qui ont pu ramasser le meilleur gardien de but au monde. C'est sûr. Ça aide beaucoup, ça. Mais les Canucks font à peu près la même stratégie, sauf qu'ils n'ont pas été capables de se renouveler un temps soit peu, puis d'avoir, tu sais, un Gallagher en 5e ronde. Ça change une équipe, ça, là. Ah, oh, totalement. Ça paraît, là. Mais oui, c'est vraiment de ne pas avoir eu les guts de faire ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire. Puis ils vont payer pour très longtemps. Puis ça sera pas rentable. Fait que les Canucks, toi de ton bord? Moi de mon bord, en fait, j'ai été plus dans un. Les hauts et les bas. Ah, OK. Dans l'Est et dans l'Ouest. Oui. Parce qu'il y a des clubs qui m'impressionnent, comme qu'il y a des clubs qui m'impressionnent pas. C'est vrai pas que c'est une surprise aussi quand c'est positif. Là. Ouais, ben c'est ça. En tout cas, ma déception dans l'Est, la même que toi, les Islanders. je comprends pas comment tu fais pour te retrouver aussi beau au classement avec justement un capitaine comme Tavares. Il y a quand même des bons gars en plus dans l'équipe, là, je dis. Puis, tu sais, la belle histoire en ce moment avec les Islanders, c'est Beauvillier. Oui. Je dis, qui marche très bien. Qui joue justement aux côtés de Tavares, il jumelle avec au premier puis le deuxième trio. Gros manque de profondeur, là. Mais une chance, ouais. Ils ont encore Clutterbuck. Ouais, au lieu de Nino Niederreiter. Ah, ben oui. On finit ça là. Le talent, je t'avais dit, le talent. Ben ouais. Non, ben c'est ça. Ça, c'est ma déception, justement. Puis honnêtement, moi, je serais pas surpris que Tavares lève les feutres. Il y a des équipes plus intéressantes. Comme, mettons, les Maple Leafs, pour lui, je parle, là, ouais. Ou d'autres clubs. Sinon, dans l'Est, pour ce qui est ma surprise positive, qui aurait cru. Bon, OK, il y a juste 16 matchs de jeu pour cette équipe-là, mais qui aurait cru voir au 9e rang de la Ligue nationale les Columbus Blue Jackets? Ouais, puis ils ont sacré des volets une couple de clubs, hein, dont le Canadien de Montréal, mais pas ils pas ont que, fait. Là. Il y a eu 10-0 contre Montréal, un 8-4 contre les Blues de Saint-Louis. Je veux dire, les Blues, c'est quand même une puissance dans la Ligue nationale. C'est un club qui, je vois, m'impressionne. Je n'irai pas jusque-là à dire que John Tortorella va gagner le Jack Adams. Ben, moi, ça me fait capoter. C'est la seule affaire que je trouve plate dans tout ça. Je suis super content pour Columbus, là. Mais qu'un gars comme John Tortorella ait du succès, ça m'écœure. Ouais, ce gars-là est de la vieille garde, de la vieille mentalité, ça me fait chier qu'il ait du succès. Non, il faut évoluer. Il est en train de se racheter du temps pour la future de sa carrière. Il va avoir un autre job après ça, puis un autre, puis un autre. On n'a pas fini avec lui, là. Ouais, effectivement. Mais bon. Pour ce qui est dans l'Ouest, ma déception est Nashville, bien évidemment, parce que je trouve que ce n'est pas un club qui doit se retrouver en bas. Je dis quand même, ça a longtemps été un club qui était tout le temps très fort dans l'équipe. Un oublié, il y a du monde qui pensait pas aux Prédateurs, mais... Mais ça paraît que Riné est en fin de carrière. Oui, ça justement. Ça joue énormément. Beaucoup. Puis je crois que... Je ne veux pas bâcher personne. Je vis sous ban ici. Je crois qu'il y a eu aussi une... Tu sais, quand on dit que l'attaque part par la défensive et que la défensive gagne des championnats, quand en un an et demi ou un an même, tu échanges Seth Jones pour un attaquant qui est réputé pour avoir des problèmes du style vestiaire ou hors glace en Ryan Newenson, peut bien avoir le super talent qu'il peut avoir. Si t'as pas la tête pour le gérer, ça marchera pas. Puis que tu échanges ton capitaine, ta figure de marque chez Weber, moi ça me dérange pas parce qu'il est venu à Montréal, là, pour un Piqué Subban qui a aussi la réputation d'avoir des problèmes plus vestiaires parce que hors glace, il fait juste vivre sa vie. Là. J'ai le feeling que t'as tellement changé l'identité de ton équipe dans le vestiaire que tu viens de scraper quelque chose. C'est pas pour rien, je pense, que tu te retrouves au 24e rang de la Ligue nationale. 23e. Je pense qu'il y a... Ouais, à égalité avec les Flames. Ils ont 17 points. Mais c'est pas grave. Ouais, mais ils ont moins de matchs de jouer. Ah ouais, ok, ça se peut. Mais bref. Mais tout ça pour dire que, mais heureusement pour eux autres, c'est que ça va en s'améliorant. Dans les 10 derniers games, 5 victoires, 3 défaites, 2 en prolongation, ça semble se placer. J'ai vu quelques highlights, entre autres, grosse victoire contre Ottawa cette semaine. Tu sais, Piqué Subban, ça a l'air à fitter dans ce club-là aussi. On semble l'accepter plus. Il y a un meeting d'équipe callé par le capitaine Kerry Fisher. Non? Non, Mike Fisher. Ah! Excusez, trompé! Sa femme, c'est Carrie Underwood. Juste pour placer là, les gens qui n'auraient pas compris. Là. Donc, tu sais, il y a un meeting. Puis je pense que là, l'esprit d'équipe est là. Ils vont tous dans la même direction. Ça semble mieux fonctionner. Puis ce qui est très intéressant dans leur fiche à eux autres, c'est qu'à domicile, ils sont 5-1-1. À l'étranger, 2-6-2. Donc, on voit vraiment que c'est un club qui... je pense que ça peut dénoter une certaine faiblesse derrière le banc. Parce que quand t'es à la maison, t'as le dernier choix, t'as le dernier changement des joueurs. Donc, tu peux décider de tes match-up. Tandis qu'à l'étranger, tu ne peux pas. Donc, c'est plus dur de t'adapter au jeu de l'adversaire quand t'es à l'étranger. Ça peut, tu sais, moi, je regarde ça de l'extérieur, là. Ça peut avoir joué dans la balance. Mais, tout ça pour dire que dernièrement, ça s'améliore. Donc, moi, je pense pas qu'ils... Je pense qu'ils vont viser des séries, puis que ça devrait être un club qui va participer aux playoffs. Je pense qu'ils sont capables de se rattraper. Tu sais, en avant d'eux autres, là, t'as entre autres, t'as Minnesota, t'as Winnipeg, que ça peut flancher, Los Angeles, c'est pas de gardien de but, ça peut être difficile éventuellement. Ouais, t'sais, t'as Bouddha, il faut passer l'année complète. Tu sais, Columbus, là... Non, les autres sont rendus dans l'Est. Ouais, ils sont dans l'Est. C'est, je me trompe tout le temps, puis je le sais, là, c'est ça le pire, il faut que je me parle. Columbus dans l'Est. Columbus dans l'Est. Mais tu sais, tout ça pour dire que t'as une couple de clubs en avant des autres qui sont à leur portée en termes de talent. Fait que tu sais, moi, je désespère pas, puis l'Ouest est vraiment fort, là. Ouais, ben. Tu sais, Anaheim est 12e, là. Non, c'est bon, mais en même temps, il n'y a pas grand écart, exemple, avec la première puis la 15e position. Tu as 9 points d'écart, là. Ouais, ouais, ouais. c'est pas tant gros, là. Non, pis c'est vaut mieux avoir un passage à vide au début de la saison qu'à la fin. C'est justement pour engager les séries en Lyon pis tout. Ouais. Ma surprise positive dans l'Ouest, enfin, les Oilers. Après le nombre d'années qu'on n'arrête pas, ben que j'arrête pas de dire, tu vas voir cette équipe-là dans deux ans, ça on t'en fait la ligue. Ben, tabarouette, ça marche. Présentement. Ouais, c'était un peu plus tough derrière. Mal, oui, mais... un petit peu plus tough, mais quand même, on en première moitié, fait que c'est quand même bien. Ouais. Ça, avec David, un taux de chapeau à dernière game. Non, c'est. Il y a de l'avenir, il y a du beau potentiel là-bas. Vraiment, McDavid, justement, a 22 points en 19 matchs. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est le reste d'équipe qui ont de la misère à suivre. Eberle, c'est le deuxième meilleur scoreur, deuxième meilleur pointeur. Je pense qu'il y a 13 points. Début de saison un peu difficile pour Eberle. Mais tu sais, eux autres, tu leur donnes un bon premier goaler. Tu sais que Talbot a fait la job, là. Ouais. Mais à l'année complète, je suis pas sûr. Mais non, pour vrai, adapte. Je trouve que c'est un bon début de saison. Ouais. C'en est un autre. Tu sais, Lushik a juste 9 points. Là. Gros contrat, très longtemps. Ça peut être inquiétant là, de voir que c'est si lent que ça à décoller. Puis, il est pairé avec McDavid. Mais en même temps, s'il y a pas d'occasion, c'est là. Pas lui qui va te faire un 90 points. En moyenne, il atteignait des plateaux à 60-65 points. Ouais, mais il est pas sur ce rythme-là. Mais le plus inquiétant, c'est Nugent Hopkins qui est à 8 points seulement. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas dans ses habitudes d'avoir moins d'un point par match. Non, ça ne dérange pas parce que si Nugent Hopkins fait moins de points, il va être disponible plus facilement à moins gros prix. Ah, un opportuniste. Ça peut être intéressant, c'est ça. Pour Montréal, ça peut être une bonne idée. Parce qu'il revient à chaque année dans les rumeurs. Ça, ça serait un deuxième centre pour le Canadien. Et voilà. Fait que, en gros, mes déceptions, mes surprises, c'était ça. Je viens de finir mon drink et je pense que ça sonne la fin de ce show qui, encore une fois cette semaine, a été tellement le fun à faire, Jerry. Là. Je capote. Je te bencherai pas, promis. J'espère. Sinon, je vais bouder et tu vas perdre ta chance. Ouais, c'est ça, exactement. Je donne toujours ton 110% et on aime ça. Les auditeurs, s'ils veulent te rejoindre, ils font ça comment? Tu peux me contacter par Twitter @godbout25. Sinon, possible aussi de le faire sur Facebook @JerryGodbout. Juste me marquer un petit message comme quoi que tu me connais de la POC. Je m'en allais dire hors jeu. Oui. J'ai pas fait l'erreur. Donc, la POC. Ou j'ai aussi d'autres projets que j'appartiens par. En fait, je suis là part-time, ça dépend des sujets. À Les Geeks qui sont parmi nous, un autre podcast où on parle de. Bon, devenez-le, Les Geeks qui sont parmi nous. Donc, on parle de geekerie. Je sais pas si ça existe comme mot, mais je l'ai inventé. De geekness, en anglais qu'on dit. Geekness. Ouais, je dirais que ça se dit mieux. Donc, tout ce qui est jeux vidéo, films, BD, autres. Tout ce qui est geek, dans le fond. Ouais. Puis toi, on peut te retrouver où sur l'Internet? Ben, à mon Twitter, à moi personnel, @gangj_b. Sur Facebook, je vais gagner. Je suis en recherche d'emploi assez intensive. Donc, si t'as un job cool dans le domaine de la communication, du marketing, tu le vois, je suis un passionné. Je sais bien communiquer. Et je fais plein de posts sur Facebook pour la POC. Puis ils sont tous nice, là. Fait que... embauche-moi, là. Fait que tu peux me trouver sur LinkedIn aussi pour avoir mon CV. D'un clin d'œil. Sinon, dans mes autres projets, ben il y a la réalité augmentée qui est disponible sur Facebook et sur iTunes, Twitter, @RealitéHug. La POC, ben @LaPocPodcast et sur facebook.com/LaPoc. Et ben on vous invite à nous laisser des commentaires sur les émissions, à venir répondre à nos questions. J'essaie de faire une publication par jour minimum avec plein de photos, dont Michel Therrien, heureux aujourd'hui pour annoncer le show. Vos commentaires sont toujours appréciés. On vous invite à nous laisser des étoiles sur iTunes. C'est cool, on sent la communauté grandir, on sent que votre appréciation de ce qu'on vous livre comme marchandise rise, et ça, ça nous rend vraiment heureux. Ça nous donne le goût de nous défoncer encore plus pour vous donner plein de beaux matériels et être divertissant le plus possible. Donc, merci à vous d'avoir été du rendez-vous encore une fois cette semaine et de faire partie de l'aventure de la POC. Sur ce, Jerry, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir animé ce show avec autant d'entrain. Ah, je sais. Je suis bon, hein? Ouais, t'es ça à coche. Merci à vous, les auditeurs. Merci à moi-même. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre POC. Bye bye. Hey, notre site internet, lapoc.net. Je suis en train d'oublier ça. Pour retrouver le show. Sinon, on est sur sportradio.ca et sur Radio H2O. Ainsi que RZO Web. On est partout dans tes oreilles. Puis on aime ça. Salut! Bye! Ciao là!